Voici votre bulletin régional. Le vaccin antigrippal sera offert les 28 et 29 novembre au CLSC Distinguis. Le 28, de 13h30 à 20h. Le 29, de 9 à 16h. Golden Age Fun Time est une nouvelle activité organisée au Bulwer Community Center le 28 novembre dès 14h. Musique, repas. Entrée libre. Information, Piguerois. Souper de Noël pour les membres du club amitié FADOC Distinguis le 5 décembre. On doit réserver avant le 28 novembre auprès de Hélène ou de Pierrette. Le 29 novembre se tiendra la deuxième édition du Vin et fromage à la salle des loisirs de Saint-Isidore de Clifton. Achetez vos billets. Dès 18h le 29 novembre, au centre communautaire de Whedon, souper de Noël et soirée dansante avec orchestre pour le club FADOC de Whedon. Achetez vos billets au 819-877-5938 ou 877-3701. À 20h le 29 novembre, au Centre culturel de Whedon, se produiront Les Petits Chanteurs à la gueule de bois, un groupe suisse, coup de cœur de la bourse Rideau 2014.